Un feu d'artifice de 10 minutes a illuminé mardi le ciel de Moscou aux couleurs du drapeau russe pour marquer le 78e anniversaire du jour de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, encore appelée la Grande Guerre patriotique. Des images montrent des spectateurs regardant l'affiche éblouissante sur le quai Luznetsaya et Poklonaya Gora. Selon le service de presse du district militaire ouest de Moscou, plus de 12 000 saluts ont été tirés simultanément depuis 72 lanceurs spéciaux depuis 16 emplacements. Le jour de la victoire est traditionnellement célébré en Russie le 9 mai, le jour où la capitulation de l'Allemagne a été annoncée en URSS. Afrique Média, le monde, c'est nous.